Chapitre 7e. Depuis bientôt 10 ans qu'il appartenait au service de la sûreté, Jérôme Korff avait donné de nombreuses preuves de sa sagacité et de sa bravoure. Plusieurs assassins dangereux avaient été arrêtés par lui au péril de sa vie. Il avait réussi à percer à jour les machinations de nombreux bandits, escrocs, filous ou cambrioleurs de grande envergure. Ses succès, tout en le rendant sûr de lui, ne l'aveuglaient pas. Depuis que M. Serpier lui avait confié l'affaire Autodrôle, il s'était rendu compte qu'une méfiance très grande était de mise. Il était donc sur ses gardes, comme il ne l'avait jamais été en accompagnant le prétendu William Grant. Étant monté dans un compartiment de première classe avec le mystérieux personnage, Jérôme Korff s'était assis en face de ce dernier, de façon à mieux pouvoir le surveiller. William Grant, d'ailleurs, paraissait bien calme et bien tranquille. S'étant calé sur le capitonnage, il avait allumé un fin havane dont il semblait apprécier le parfum en connaisseur. Korff n'avait plus de cigare, et il se sentait une faim d'ogre. Deux choses qui gâtaient un peu sa joie de ramener William Grant. Au moment où le chef de gare sifflait pour faire partir le train, la porte du compartiment s'ouvrit brusquement. Une jeune femme, encombrée d'un énorme carton à chapeau, se hissa péniblement dans le wagon, dont un employé referma aussitôt la porte. Le convoi démarra. La voyageuse, qui s'était placée dans l'angle opposé à celui qu'occupait Jérôme Korff, déplia un journal de mode, puis le replia, et tira de son sac une petite glace et un bâton de rouge qu'elle passa délicatement sur ses lèvres. Elle était charmante, une petite Parisienne d'une 20aine d'années, à la physionomie enjouée. Korff ne put s'empêcher de tourner la tête vers elle et de la contempler. La voyageuse montra par son attitude qu'elle ne voyait pas, qu'elle ne voulait pas voir le policier. Et Korff soudain fut tiré de sa distraction en se sentant toucher à l'épaule. Il poussa un léger cri. On l'avait piqué. « Qu'est-ce que... » voulut dire William Grant. « Oh !» Une torpeur effrayante l'envahissait tout entier, comme s'il eût respiré quelque gaz asphyxiant. Il voulut se lever et réussit à étendre le bras dans la direction de la sonnette d'alarme. Mais William Grant s'était dressé, le retint en s'écriant « Qu'avez-vous, monsieur? Vous êtes malade ?» Korff eut un sursaut de rage impuissante. Ses forces l'abandonnèrent. Il retomba en arrière sur le capitonnage, évanoui. « Monsieur! Monsieur, qu'avez-vous ? » lui cria William Grant avec un admirable accent d'étonnement et d'inquiétude. Le policier ne bougea pas. Il avait les yeux révulsés, la bouche ouverte, les narines pincées, l'aspect d'un mort. « Voulez-vous tirer la sonnette d'alarme, mademoiselle ? » demanda William Grant en se tournant vers la jolie voyageuse, qui, son bâton de rouge à la main, regardait pâle d'émotion. « Là, au-dessus de vous, » précisa William Grant. La jeune femme obéit. Ce qui se passa ensuite, on le devine. Arrêt du convoi, arrivée du chef de train, explication de William Grant qui déclara que son compagnon de voyage, qu'il ne connaissait pas bien, qu'ayant causé quelques instants avec lui dans la salle d'attente de la gare d'Enghien, s'était soudain trouvé mal. La voyageuse confirma ses déclarations. Après une brève hésitation, le chef de train décida de continuer le voyage, d'autant plus que le convoi n'était qu'à quelques centaines de mètres de la station de Villetaneuse. Le train repartit donc, mais sans le prétendu William Grant, qui avait profité de l'émotion pour disparaître. Lorsque Jérôme Korff, une heure plus tard, reprit ses sens, il était étendu sur un canapé dans le bureau du chef de gare de Villetaneuse. « Le bandit ! Il m'a piqué !» furent ses premières paroles. « Chef, il a parlé !» s'écria un employé qui se tenait dans la pièce. Le chef de gare arriva aussitôt. « Ah, monsieur Korff, dit-il, le médecin ne savait plus vraiment quoi vous faire. On vous a fait respirer des sels, de l'ammoniaque, de l'éther, on vous a flagellé, avec des serviettes mouillées. Vous ne bougiez pas. Une voiture d'ambulance va venir d'Enghien pour vous prendre. Hey, je me sens tout à fait bien. Un peu de mal de tête. » grommela Korff qui s'était dressé sur son séant. « Ce gueux m'a bien roulé, je peux le dire. »« Quel gueux ? » s'informa le chef de gare. « Personne, » fit rudement le policier qui rageait. « Je suis très bien maintenant, merci de vos soins. »« Parbleu, Il a tiré la sonnette d'alarme et m'a faussé compagnie, c'est clair. Je peux dire que j'ai été bien refait. Ce gibier n'est pas William Grant. C'est un comparse qui est arrivé juste à temps pour détourner mon attention, comme j'allais découvrir le poteau rose. Oh, mais rira bien qui rira le dernier. Korff s'interrompit. Le chef de gare le regardait avec un air ahuri. À quelle heure le premier train pour Paris? Demanda-t-il soudain. Mais dans 5 ou 6 minutes. Vous voulez aller à Paris? Dans votre état, monsieur? Le médecin a dit que vous. Il a dit ce qu'il a voulu. D'abord, j'ai mon billet. Ah, vous avez le téléphone? Oui, avec la gare du Nord, mais pas avec la ville. Si vous voulez. Où est le bureau de poste? Tout près d'ici, mais vous. Le brave chef de gare s'interrompit. Korff s'était mis debout, courait vers la porte. En 2 secondes, il eut disparu. Il est sûrement fou, pensa le chef de gare. Il se trompait. Jérôme Korff courait tout simplement téléphoner au service de la sûreté. Mettant de côté son amour-propre, Korff, ayant obtenu la communication avec M. Serpier, lui fit part de ce qui lui était arrivé. Il est maintenant trop tard pour essayer de cueillir un autre homme à la gare du Nord, termina-t-il. D'abord, mon train est arrivé depuis longtemps, et rien ne prouve que le paroissien reste dedans. Mais il faut immédiatement envoyer chez Argoulian. Je suis certain que le piano contenait quelque chose. Seulement, je me suis laissé embobiner comme un collégien. En tout cas, il faut essayer de retrouver ce William Grant, ou quel qu'il soit, chef. Moi, je porte plainte. Il m'a piqué à l'épaule avec un poison foudroyant. Encore heureux qu'il ne m'ait pas tué. Il a eu peur des conséquences. Je pars pour Paris voir cet Argoulian. Vous pourriez le faire surveiller. Il faut envoyer tout de suite quelqu'un à la villa d'Enghien. Vous pensez que nos gens l'attendront? Coupa M. Serpier, que la nouvelle mésaventure de son subordonné exaspérait. On ne sait jamais, chef. En tout cas, à moins d'ordre contraire de votre part, je file chez moi me camoufler, et je vais chez Argoulian. Faites comme vous voudrez, vous viendrez ce soir me rendre compte, conclut le chef de la sûreté. Korff eut juste le temps de raccrocher le récepteur et de filer vers la gare pour prendre le train de Paris. Un taxi, en quelques minutes, le conduisit de la gare du Nord à son petit logis de la rue Nollet. Il était épuisé. L'action du mystérieux poison qui avait provoqué son évanouissement dans le train continuait à se faire sentir. Il eut tout juste la force de descendre ses 5 étages et de se rendre dans une crèmerie où il se restaura de 2 œufs et d'un peu de lait. Remonté chez lui, il sentit l'assoupissement le gagner. Tant pis, maugréa-t-il. Je reprendrai cela demain. Aussi bien, il n'y a rien de pressé. 5 minutes plus tard, il ronflait. Il dormait encore le lendemain matin lorsque la sonnette de la porte d'entrée tinta. Réveillé en sursaut, il passa en hâte une robe de chambre et alla ouvrir. C'était un petit télégraphiste avec un pneumatique. Jérôme Korff y lut ces mots, tapés à la machine à écrire. Si Monsieur Jérôme Korff veut faire une capture sensationnelle, qu'il se rende ce matin même au Gigantic Palace en personne et qu'il demande Monsieur William Grant, un ami sincère. Je me demande quel est le crétin qui m'a envoyé ce poulet, grommela Korff, qui s'était réveillé de fort méchante humeur. Il froissa le pneumatique et se calma. Ayant examiné le petit bleu, il constata qu'il avait été mis à la boîte au bureau de la poste de la gare du Nord. Ce fut d'ailleurs sa seule découverte, aucun autre indice. Après tout, je peux toujours y aller voir, pensa-t-il. Au point où j'en suis, je ne risque pas grand-chose. Mais quand même, si le dénommé William Grant me tombe sous la patte, il ne m'échappera pas cette fois. Rapidement, Korff endossa un élégant complet de drap anglais, se colla une paire de favoris roux sur les joues, encastra un monocle dans son œil gauche et, chaussé de souliers jaunes à épaisse semelle, coiffé d'un melon de feutre marron, descendit vers la place Clichy, où il prit démocratiquement le métropolitain. Une demi-heure plus tard, il arrivait avenue des Champs-Élysées, devant le Gigantic Palace, un immeuble à 8 étages qui ressemblait assez à une énorme pièce montée. Ayant pénétré dans le hall, il se fit conduire au bureau du palace et apprit qu'en effet, M. William Grant était venu de très bonne heure avec une malle, mais qu'il était déjà ressorti. Avec la malle? Questionna Korff. Non, monsieur, la malle est dans la salle des bagages. Veuillez me la faire voir, ordonna Korff en montrant sa carte d'inspecteur de la sûreté. La salle des bagages du Gigantic Palace était située dans les sous-sols. C'était un vaste cellier garni de robustes étagères de chêne, formant des cases numérotées et sur lesquelles d'innombrables malles et valises étaient méthodiquement rangées. Le garçon, qui, avec un des gérants, accompagnait Korf, eut facilement trouvé la malle de M. Grant. Une énorme chapelière d'osier recouverte d'une housse de forte toile marquée WG. Voilà l'affaire, dit-il. Faites voir, grommela Korf. La malle fut descendue. Korf la retourna en tous sens. Elle pesait près de 100 kilos. Le policier, l'ayant mieux examinée, constata que d'imperceptibles ouvertures, de la grosseur d'une tête d'épingle, perçaient la toile entre les initiales. Il eut une brève hésitation. Il n'avait le droit que de faire mettre les scellés sur cette malle et non de l'ouvrir. Mais ces trous ! Il les regarda. Il dénoua les courroies qui maintenaient l'étui de toile autour de la malle et vit qu'en face des trous de la housse, d'autres trous un peu plus larges étaient percés dans la toile cirée enveloppant la carcasse d'osier. Sa conviction fut établie. Tirant vivement de sa poche une petite pince d'acier, il fit sauter les trois robustes serrures de cuivre émerisé qui maintenaient le couvercle de la chapelière. Le couvercle s'ouvrit. Deux cris retentirent derrière lui, poussés par le gérant et le garçon d'hôtel. Assis, les jambes repliées, les bras sanglés le long du corps, un homme était enfermé dans la malle. Des courroies et des coussins de toile le calaient, le maintenaient de telle sorte qu'il ne put bouger, quelles que fussent les secousses imprimées à la chapelière. Cet homme, ce n'était pas William Grant, ce n'était pas Joe Blanquett. C'était M. Piebald, le fiancé de Sonia Argulian.